Chapitre 158. Se hâter d'enterrer le mort. 941. D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Dépêchez-vous d'enterrer le mort, car s'il était vertueux, vous le portez vers ce qui est meilleur pour lui. Et s'il ne l'était pas, vous vous déchargez d'un mauvais fardeau. » Al-Bukhari et Muslim. 942. D'après Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, disait « Lorsque le mort est porté par les hommes sur leurs épaules pour être conduit au cimetière, il s'exclame, s'il était vertueux, « Dépêchez-vous !» Et s'il ne l'était pas, il dit à sa famille « Malheur à moi, où m'emmenez-vous » Toutes les créatures entendent sa voix, sauf les êtres humains. S'ils l'entendaient, ils seraient foudroyés. Al-Bukhari.